Le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des idées du jeté de Suisse ont publié le 17 une déclaration commune contre les États-Unis et leurs suivistes qui livrent plus ouvertement les menées d'hostilité contre la Corée.